On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. Pas mal de baseball aujourd'hui. On vient de parler avec Jacques Lanciot, très intéressant, toujours ses chroniques. Et là, on va parler avec Bruno, qui est tout aussi intéressant. Salut Bruno. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien. Bruno, on va parler des Blue Jays. Oui. Vladimir Guerrero, hier, j'en ai parlé avec Jacques Lanciot, 4 en 5. C'est ce qu'on appelle un no-brainer, ça, de signer avec, de l'emmener à Montréal à la fin du mois pour vendre des billets. Ah, c'est certain, certain. Écoute, Ouais. il a très bien fait. C'est sûr que c'est juste un match, là, mais il a vraiment fait une belle entrée en matière. Puis, tu sais, on sait qu'il n'est pas encore prêt là, à Non. être une vedette établie du côté de Toronto, mais dans un match hors concours, quand on connaît les circonstances, tu sais, de l'amener là puis d'avoir une cérémonie en même temps qui honore Vladimir avec son intronisation au Temple de la Renommée, tout ça, je pense que ça serait vraiment quelque chose qui pourrait venir en parallèle, qui ferait parfaitement du sens. Puis, tu l'as dit, c'est pour vendre des billets, hein, c'est un happening à Montréal. On veut faire un spectacle avec ça. Et je suis certain que juste le fait qu'il soit là, ça va vendre quelques milliers de billets supplémentaires pour les deux matchs, ça c'est certain. Ouais. La grosse nouvelle de la semaine, c'est Chiro qui signe avec les Mariners de Seattle. Quelle belle nouvelle, Chiro. Écoute, c'est un must, un gars qui a frappé 3000 coups sûrs signe avec les Mariners de Seattle pour terminer sa carrière. Écoute, je ne sais pas comment on va l'utiliser, probablement tantôt comme frappeur suppléant, tantôt comme frappeur désigné, mais pour un dernier tour de piste, c'est un must. Oui, puis tu sais, Chiro l'a dit à l'entrevue cette semaine, lui, il veut jouer jusqu'à 50 ans. Bon, il y en a Bon, qui disent c'est ça. Est-ce bien. qu'il sera capable? Écoute, il a 44 ans, puis il est encore capable de produire. Fait qu'est-ce qu'il sera capable de rester sur un banc jusqu'à cet âge-là? On verra. Il y avait un article super intéressant sur ESPN cette semaine, justement, sur Chiro, tout son parcours. On avait déjà lu beaucoup là-dessus aussi, là, le fait que son père, bon, il a toujours été après lui quand il était jeune pour avoir une routine. C'est vraiment quelque chose qui est inspiré de la tradition japonaise. Donc, Ichiro, il est vraiment passionné, mais vraiment complètement dans le baseball. Puis, je dis passionné, il est plus complètement aspiré par ce qu'il fait. Donc, il se voit pas faire autre chose. C'est pour ça qu'il lui arrive puis il dit qu'il va jouer jusqu'à 50 ans. Puis, du côté des Mariners, Dan, c'est quand même un bon coup de publicité, hein. Il va s'emmener dans la division ouest d'américaine où on a l'arrivée également de Otani avec les Angels de Los Angeles. Donc, lorsque les deux vont jouer contre, il y aura certainement un très, très gros intérêt, non seulement aux États-Unis puis au Japon, mais même à l'international. C'est le genre de choses qui va bien faire vendre le baseball. C'est comme un peu le passage du flambeau qui va se faire avec ça. Puis également, du côté des Mariners, ben, c'est une équipe qui est un peu déçue. Hein, les dernières années, on avait été chercher des gars comme Nelson Cruz, Robinson Cano, entre autres, avec son gros contrat quand il a quitté les Yankees. Les résultats n'ont jamais été là. Félix Hernandez vieillit. C'est une équipe qui aussi joue dans une division vraiment forte. Entre autres avec la présence des Astros qui ont gagné l'an passé et qui vont être encore très dominants. Donc, c'est une saison qui s'annonce encore un petit peu difficile du côté de Seattle. Puis le fait que Ichiro soit de retour, ça va peut-être amener un petit peu là, d'éléments à suivre pour les partisans là-bas. J'ai hâte de voir parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec Otani également. Comment qu'on va l'utiliser? Comme frappeur, ça va bien au camp d'entraînement. Comme lanceur, c'est coup-ci, coup-ça. Donc, ça va être intéressant de suivre dès le premier match de la saison, comment qu'on va jauger avec ça. Oui, puis tu sais, on s'est engagé du côté des Angels, une des raisons pour laquelle Otani a signé là, puis cette semaine, lorsqu'il a affronté Clayton Kershaw, puis il y a eu certaines entrevues avec les joueurs des Dodgers, entre autres Kershaw qui s'était présenté là-bas pour aller tenter de courtiser Otani, puis rapidement, ils se sont rendus compte que son choix était déjà fait du côté d'Otani. Lui, il voulait jouer dans une équipe qui aurait un frappeur désigné pour pouvoir lancer également. Donc, son but premier, c'est de lancer. Dans le camp d'entraînement, jusqu'à maintenant, d'accord avec toi, il démontre de plus belles choses au bâton. Il est quand même intéressant comme lanceur. Est-ce qu'il pourrait commencer l'année à avoir quelques départs? Est-ce qu'on ira qu'une rotation à 6? Il y a plein d'options qui vont se présenter pour les Angels pour tenter de donner des départs. Il peut pas être pire qu'un quatrième ou cinquième lanceur partant dans une rotation faible, faible comme celle-là du côté des Angels. Donc, je pense qu'on va lui donner sa chance, mais c'est sûr qu'à date, c'est plus son bâton là, qu'on remarque au camp d'entraînement que ses capacités au monticule. J'ai hâte de voir, puis même comme frappeur, là, parce que tu as Albert Pujols également qui vieillit, mais qui est encore capable de frapper aussi, puis qui est à 32 coups sûrs du chiffre magique de 3000. J'ai bien hâte de voir comment qu'on va utiliser tout ça, là. Ça va être pas mal de fun de voir. Ouais, une belle équipe à suivre, les Angels. Ouais, Ben, ouais, ouais. c'était déjà une belle équipe, justement, avec le 3000e coup sûr d'Albert Pujols, t'en as fait mention. Mais il y a aussi Mike Trout, évidemment, qui est peut-être le meilleur joueur du baseball. Donc, c'est une équipe qui est remplie de joueurs de talent et de légendes dans le cas de Pujols. Donc, c'est une équipe. Et maintenant, s'ils sont capables de transférer ça en une participation en série, c'est là qu'on va suivre là, dans une division, comme je disais tantôt, assez compétitive. OK. Aaron Judge, lui, ça ne tente pas de faire de participer au concours des coups de circuit. Il est encore de bonne heure, par exemple. Oui, ben en fait, je pense que ça a été un peu une réaction. Tu sais, l'année passée, ils en ont parlé beaucoup, les médias, là, les 2 mois qui précédaient le concours de coups de circuit. On savait que Giancarlo Stanton allait le faire du côté de Miami parce que c'était le match des étoiles. Puis c'est certain que cette année, on va en parler beaucoup parce que le match des étoiles est à Washington et Bryce Harper a déjà indiqué que lui, il participerait, étant donné que le match est à Washington. Donc là, il y aura une pression à mesure qu'on va s'avancer du moment où qu'on va dire, écoutez, là, Stanton, imaginez Stanton, Judge, Harper dans le même concours de coups de circuit, ça pourrait vraiment donner des flamèches, puis pour le baseball, c'est super vendeur. Et dans le cas de Judge, ben non seulement il a mentionné qu'il voulait pas y participer, mais il a aussi évité de répondre à la question qu'on lui a demandé, est-ce que ça a eu un impact sur ta deuxième moitié de saison? Est-ce que tu t'es blessé? Est-ce que ça a aggravé ta blessure à l'épaule? C'est-tu pour ça que tu veux pas y retourner cette année? Il a refusé de répondre catégoriquement à la question. Puis, dans le fond, ce que ça indique aussi, puis c'est ce qu'ils discutent dans l'entourage un petit peu les Yankees, ce qu'on peut voir de certains analystes, c'est que dans le cas de Judge, il y a non seulement le fait qu'il pense que ça a pu contribuer à sa blessure, mais également le fait qu'il a ralenti la deuxième moitié de saison. Puis il y a certains joueurs au cours des années qui ont émis des hypothèses que ça brisait leur rythme de participer à cet exercice-là. Les statistiques le démontrent pas. Là. On voit, si on regarde depuis une quinzaine d'années, de tous les joueurs qui ont participé au concours des circuits, il y en a qui ont eu de très bonnes deuxième moitié de saison, il y en a qui ont eu de très mauvaises, donc c'est pas très, très relié directement. Je pense pas que ce soit relié, mais pour le joueur qui pense que ce l'est, comme dans le cas d'Aaron Judge, où on se souvient entre autres de gars comme... Je me souviens à l'époque, là, un gars comme Bobby Abreu qui avait participé en 2005 ou 2006 à Détroit, qui lui avait connu un concours de circuit phénoménal, a eu de la misère en deuxième moitié de saison. On se souvient de Josh Hamilton avec au Yankee Stadium, le dernier match des étoiles au Yankee Stadium qui avait vraiment animé la foule et qui avait eu des difficultés en deuxième moitié de saison. Donc, depuis quelques années, on entend souvent ce discours-là, puis George est le dernier dans cette lignée-là à vouloir dire d'avance, là, moi, je participerai pas. Fait que parlez-moi pas de ça cette année. Moi, je suis concentré pour aller plus loin. C'est son droit, mais en même temps, c'est sûr que ça met un peu d'ombrage. La saison n'a pas commencé, comme tu as mentionné, puis il est déjà en train de parler de ça. Ben non, c'est sûr. Donc, je pense pour moi que... José Bautista qui a dit qu'il voulait prendre sa retraite. J'en parlais avec Phil Desgagnés ce matin. Phil m'est arrivé avec ce cas-là. Un gars comme Bautista, il faut que tu le signes avec un contrat de salaire minimum plus bonus de performance. Moi, c'est ouais, c'est le même que je vois Bautista, tu sais. Ouais, puis tu sais, actuellement, on a vu John Heyman cette semaine là, qui Network, qui disait qu'il y a quelques offres là. Actuellement là, pour Bautista. Ouais, peut-être 1 million là, à peu près là, autour de ça, là, avec des comme tu as dit, des bonnies. Puis tu sais, dans le fond, ça dépend aussi de ce que Bautista veut faire. T'sais, l'argent, il l'a déjà fait, son argent. Est-ce que maintenant, pour lui, il va vouloir revenir à aussi bas salaire? Parce que tu sais, même les bonnies, dans le cas d'un gars comme Bautista, on sait qu'il y a eu quand même des difficultés. On l'a vu ralentir là, considérablement, surtout l'an passé. Moi, je pense que c'est un joueur, comme tu as dit, là, tu donnes 1 million ou 2 avec des bonnies à un joueur comme ça. Il peut venir de ton banc puis peut-être être un régulier pour 30-40 matchs. Il peut certainement rendre des services. Maintenant, c'est à savoir ce que lui, ça lui tente. Là. Il a réfuté les rumeurs en disant que non, il considérait les options puis il voulait jouer. Mais ça reste encore une fois, puis on le voit dans les autres agents libres qui sont toujours sur le marché. Il y a des agents libres qui ont cru, même l'an passé puis encore cette année, comme on a parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, Dan, puis on va sûrement s'en reparler pas mal dans les semaines puis même les années à venir, c'est le marché a changé. Là. Quand même que l'Association des joueurs continue de décrier, là, on disait ce matin là, que les Marlins ont fait exprès puis ont brisé le marché puis l'Association des joueurs n'est pas contente. La réalité, c'est que les gestionnaires de clubs de sport professionnels sont beaucoup meilleurs qu'ils étaient. Puis des gars comme Bautista verront pas des contrats de 10-15 millions pour une saison comme ils ont déjà eu. C'est pour ça que les Blue Jays, d'ailleurs, ont décliné l'option sur Bautista et on voit pourquoi aussi. Il y avait une option sur 15 millions puis il y a des clubs qui offrent à peu près 1 million à côté. Tu peux pas aller chercher l'option juste parce qu'il t'a rendu fier à ça. J'aime beaucoup la théorie d'Alain Giroux qui disait que, quand j'y ai parlé il y a quelques semaines, puis je l'ai raconté, que maintenant c'est des administrateurs qui arrivent des universités américaines qui ont un diplôme en administration sportive et ça va être ça à l'avenir, je pense. Puis j'ai beaucoup aimé cette comparaison-là. Puis loin d'être folle aussi, là, cette réflexion-là. Là. Oui, puis tu sais, quand on regarde les agents libres, Dan, qui restent sur le marché, tu sais, on s'en parlait il y a 2 semaines, puis on se disait, ben, il reste quand même quelques noms. Mais quand tu regardes ça, mettons, du top 50 qui avait été identifié avant le début Moustakas. De la saison. Et Mike Moustakas a signé, là, il a signé, en tout cas, il, ça a été rapporté, là, Non, Moustakas aurait été rapporté qu'il a signé là, avec les. Il serait de retour avec les Royals dans un contrat d'un an avec une année d'option. Là. Okay. Ça a été annoncé ce matin. Okay, je l'ai vu dans ma liste aujourd'hui disparaître. Donc, il reste à peu près 7 gars sur le top 50. Grosso modo, dans les lanceurs, on a Jake Arrieta avec Lance Lynn et Alex Cobb, qui sont vraiment les trois meilleurs joueurs là-dedans. On a Craig Gordon en relève. Il y avait Andrew Cashner aussi qui était mentionné avec les Jays, c'est pas mal. Oui, c'est un de ceux qui reste. Puis il reste des gars comme Jonathan Newcroy, le receveur anciennement des Rockies. On a Neil Walker également, Carlos Gonzalez. Mais lui, donc, je l'avais avec les Jays, Carlos Gonzalez. Je comprends pas que les. Je comprends pas que Ross Haskins, mais c'est tellement une organisation qui semble vraiment dormir, conservateur. Autant Alex était dynamique, autant du côté de Ross Haskins et Ross Shapiro, on semble conservateur. Moi, Gonzalez, là, actuellement, on s'entend-tu pour dire que l'organisation qui va le signer à rabais? Ben, au point qu'on est rendu là, je suis d'accord avec toi. En fait, si on est capable de signer avec un contrat dans lequel on s'engagerait pas pour plus qu'un ou deux ans, moi, je trouve que c'est un joueur qui pourrait offrir de fiers services. C'est sûr que du côté des Blue Jays, par contre, tu sais, on voit là, Tulowitzki est encore blessé avant le début de la saison. C'est sûr qu'on va peut-être y aller vers des joueurs qui ont moins d'historique de blessures. C'est peut-être l'approche aussi qu'on veut prendre. Parce que quand je regarde les joueurs que je te mentionne depuis tantôt qui restent, puis tu viens faire mention que les administrations des clubs sont un petit peu meilleures qu'ils ont déjà été, ben quand tu regardes tous ces gars-là, c'est des gars qui ont eu des historiques de blessures, qui demandent des contrats qui sont trop élevés versus le reste de la valeur. Fait que quand l'association des joueurs dit ben il y a une collusion des propriétaires, ben moi je regarde le top 50 d'âme des joueurs qui étaient autonomes. Puis la plupart des bons joueurs ont tous trouvé preneur au salaire que le marché a dicté. Donc, la critique était peut-être un peu trop acerbe, parce qu'en bout de ligne, finalement, il reste quelques cas qui n'ont pas encore signé. Puis parmi ces joueurs-là, ben, c'est des joueurs qui ont peut-être passé à côté de certaines bonnes offres de contrat en pensant avoir plus. Puis finalement, se retrouvent le bec à l'eau parce que les joueurs ont signé un peu partout puis les clubs n'ont plus d'argent tout simplement pour eux. Effectivement. Bruno, on s'en parle dans 15 jours? Oui, puis on pourra, à ce moment-là aussi, on va s'en venir sur les prédictions, parce qu'on va finir par se mouiller pour la saison qui va s'en venir. Je ne sais pas si tu as vu passer, Dan, aussi la nouvelle, je voulais terminer sur une note humoristique. Je ne sais pas si tu as vu les Diamondbacks qui veulent ramener le petit cart de golf qui emmène les releveurs de l'enclos. Tu sais, on voyait ça avant, jusqu'en 95, là. Ouais, jusqu'en 95, on voyait ça, puis ça a commencé des années 60-70. Moi, je me souviens de ça quand j'étais jeune, j'écoutais le baseball. Là. On emmenait les releveurs sur un petit véhicule motorisé. Ouais. Ben les Diamondbacks vont ramener ça, donc ils ont annoncé ça en 2018. Fait qu'ils ont présenté le véhicule cette semaine. J'espère que ça va amener une nouvelle mode, parce que non seulement on cherche des façons d'accélérer le match, fait juste de sauver le temps que le releveur s'en vient en joguant de l'enclos, tu vas sauver peut-être une dizaine, quinzaine de secondes à chaque fois que tu as un releveur. Fait qu'un match qui est très long, qui a beaucoup de releveurs, tu vas peut-être sauver plusieurs minutes comme ça. Mais en plus, ça fait un flashback aux années là, où on se souvient, là, il y avait toutes sortes de choses à Milwaukee, entre autres. Il y avait un petit scooter avec un passager à côté, des choses comme ça. Donc, si on peut amener une petite touche comme ça, je trouve ça intéressant comme décision du côté des Diamondbacks. Je regarde actuellement, tu l'as aussi, LMB Network, les matchs que j'ai vus. Là, ils présentent deux à trois matchs par semaine, là, deux à trois matchs par jour, même plus que ça encore. Ouais. Les matchs que j'ai vus à LMB Network, là, ça va être très difficile de. Écoute, là, ça fut des longs matchs encore. Fait que, tu sais, ça va être difficile. Tu peux pas dénaturer le sport non plus. Là. Non, c'est ça. On cherche des façons de l'améliorer. Mais comme je te dis, c'est le genre de choses que si ça sauve, je sais pas moi, 30 secondes à chaque changement de releveur, ben c'est déjà ça. Justement, tu dénatures pas ton sport. Tu fais juste t'organiser pour amener le releveur dans un petit véhicule au lieu de le faire jogger jusqu'au monticule. Donc, je trouvais que c'était juste un beau clin d'œil que Diamondbacks faisait aux vieilles années, puis ça nous rajeunit pas. Non, effectivement. Bruno, on s'en parle dans 15 jours. Merci, Dan. C'est le commentaire de Bruno Boudreau.